reconnecter la connexion lost. Personne n'a bougé rien. Pourquoi connexion lost? J'arrive pas à comprendre. Ah, tac, tac, tac. C'est bon, on a un problème là, connexion. Allô, allô, allô, allô, allô, allô. On est déconnecté encore une fois. Avant, je hospitalisais avec la Michou, mais lui, il est en bas avec moi. Ouais, qui ça? La Michou. La Michou, ah oui. Il est en bas avec moi. Avant. Ok. Est-ce que vous voulez transmettre un message en radio, le monde? Après, c'est vous. Après. Est-ce qu'il y a un message à transmettre à la radio pour les gens? Quel message? Hein? Quel message? Un message? Message par téléphone? Un message à la planète. Qu'est-ce que vous avez des choses à transmettre à travers la radio pour que les gens se sentent mieux ou que le monde change en dehors de la souffrance? Un message d'espoir? Bah, je ne comprends pas exactement ce que vous me demandez, pourquoi je suis ici, c'est quel mon problème, c'est ça? Non, non, non, au contraire, je ne parle pas du problème là, je parle d'un esprit poétique. Est-ce que vous avez quelque chose à... Pas seulement le problème, on a entendu le problème que vous avez, mais est-ce que vous avez quelque chose aussi à apporter au monde, à offrir aux gens? Une chose que, soit seul, que vous connaissez. Pour changer la tête, ouais. Pour... Bah, je vais sortir le soir, ça dépend avec mes amis. Mm-hmm. J'ai dansé et j'ai bu quelques verres. J'ai dansé, j'ai rigolé, j'ai parlé et je suis bien. Et comme je rentre à la maison, si je reste fermé 2-3 semaines, après j'ai pas bien dans la tête. Mais si je sortir avec mes amis, j'ai maquillé, j'ai fait mon cheveu. Oui. Et après, je vais sortir. C'est superbe. Ouais. Merci. Et après, il y en a mon ex. Il y en a douzième. C'est mon ex, c'est pas le papa de mon fils. C'est douzième, mon garçon. Oui. Fabien, il est gendarme. Je reste avec lui 12 ans. Mais j'ai pas maladie avec lui. J'ai maladie comme je reste à la maison fermée. D'accord. Est-ce que ok, merci, bienvenue Madiane Dessy. C'est à qui les tours là? C'est notre animateur qui était parti, il revient. C'est qui parle maintenant? Pat, tu voulais rebondir? Est-ce que vous pouvez nous répéter votre histoire? Parce que prenez un micro. Il y a plein de micros là, parce qu'on n'a pas bien suivi. Là, maintenant, on est sur les ondes FM, donc vous pouvez transmettre ça à toute la planète. Reprenez, s'il vous plaît. Bonjour, écoutez... Excusez-moi, moi, je voulais partir. Bonsoir, la prochaine mercredi. Oui, on est là tous les mercredis, entre 15 et 18. Ok, parce que j'ai entre... Après-demain, j'ai entre à l'hôpital. Ouais, bonsoir, la prochaine mercredi. Oui, sauf le dernier mercredi que je serai en vacances, mais les autres mercredis, je serai là. Le dernier mercredi de juillet, je ne serai pas là. Et on aura une émission pré-enregistrée pour la radio. Mais sinon, tous les autres mercredis, on est là. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Bah, bienvenue. Bonjour. Et à bientôt. Merci. Oh. Et là, on passe à Pat. Voilà, donc c'est encore Pat. Donc, j'espère que vous n'allez pas me faire du mal dans la rue, pour juste un regard. Vous savez, c'est très dur pour tout le monde. Je sais que c'est très dur pour tout le monde de voir mes regards. Mais pour moi, c'est encore plus dur que pour vous. Et j'ai du mal à... des fois, j'ai un contrôle de moi. Étant donné que j'ai fait un peu d'arts martiaux. Donc, j'ai un contrôle de moi. Donc, je n'irai pas comme certains criminels qui ont fait des bêtises énormes et qui sont passés en jugement. Donc, je pense aussi que peut-être que les gens de la justice sont sur la FM. Je pense que peut-être que vous devez me connaître, mais ne vous inquiétez pas, il n'y arrivera rien à personne. Je ne suis pas un criminel, donc ça agace tout le monde, ça énerve tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde tous les jours, c'est pas facile tous les jours. Tous les jours, il faut me recadrer. Je sais que des fois, il faut me recadrer. Si vous voulez me dire bonjour, vous pouvez me dire bonjour. Ça me fait plaisir. ça me donne ça me réchauffe le cœur. Ça réchauffe le cœur et en plus ça me rassurera plus que vous. Ça me rassurera plus que vous parce que vous savez j'ai au moins 3-4 traumatismes crâniens dans la tête. J'ai des cicatrices dans la tête. Il m'est arrivé des histoires. Et ces histoires-là, si je vous racontais les histoires qui me sont arrivées, vous comprendrez que vous me direz ah c'est vrai, il a fait peut-être des petites bêtises, mais il faut pas juger les gens trop hâtivement. Donc ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien à personne à Bondy, ni à Nancy Sec, ni à Monsieur Brois, ni à Paris. ni aussi à Paris, ni aussi à Pierre-sous-Bois ou à Bondy, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas criminel, je n'irai pas jusqu'à faire des choses horribles que certaines personnes ont faites. Donc je ne suis pas une menace, je vais vous dire donc l'énoncé de mon discours. Menace, ça menace. Donc je ne suis pas une menace. Donc je suis, je fais comme Jet Li. Je suis zen et je reste encore calme. Je ne suis pas une menace. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'arrivera rien à personne. Je sais que c'est pas facile, mais tous les jours, je fais un effort tous les jours. Je sais que c'est dur pour moi, mais il faut que je fasse cet effort. Enfin, si je fais cet effort-là, eh ben, je sais que qu'il m'arrivera quelque chose de mal. Donc, j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc, je vais tout gérer ça. Et il n'y arrive rien à personne. Personne n'aura de problème. Et tous les Mondinois, donc, ne vous inquiétez pas pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Il n'y arrive rien à personne. Parce que je ne suis pas un criminel et donc voilà, donc je me justifie auprès de vous, surtout les Bondinois. Donc je sais des fois que les regards des personnes sur moi sont très durs, ou alors qui me regardent étrangement. Je sais que j'ai des regards fuyants, des regards qui laissent à désirer. Des regards qui laissent à penser à des choses qui arrivent. Mais il ne faut pas penser à ça. Il faut qu'on avance tous et qu'il n'y arrive rien à personne. De toute façon, je vous le dis, j'ai le contrôle de moi-même. Il n'y arrive rien à personne, de toute façon. Donc voilà, donc, je suis traité. Ne vous inquiétez pas, je suis comme la personne qui a parlé avant. Comme la fille de Gilles de l'Est, là. Donc je suis traité moi aussi, j'ai un traitement moi aussi, je suis hospitalisé moi aussi, donc j'ai fait 2 séjours déjà, donc vous comprenez, c'est très dur, mais ça, ces jours-là, c'est pour moi, c'était très dur aussi, mais seulement j'ai trouvé des gens formidables qui m'ont aidé où je suis, donc j'ai trouvé des gens formidables et ils m'ont beaucoup aidé. Et ça fait très plaisir de si je pouvais me faire des amis à Bondy, ça fait très plaisir. Je cherche des amis à Bondy, je cherche à me faire des amis à Bondy, mais des fois, vous voyez, je suis quelqu'un qui n'ose pas venir vers les gens. Là, je viens vers Vincent, je viens devant Martin, devant Mariella, devant c'est quoi ton prénom? Myriam, devant Momo. Devant Farouk. Vous voyez, Vincent qui fait des dessins. Il aime bien faire des dessins, Vincent. Il est content qu'on fait des dessins, Vincent. Il est content qu'on fait des dessins. C'est un héros. Et moi quand je trouve des gens qui jouent au chèque à Bondy, des fois, je vais près de la boulangerie, je joue au chèque, je suis content de jouer au chèque. Ça fait plaisir de rencontrer des gens et je suis content de voir des gens qui s'arrêtent et qui disent voulez-vous faire si il y a un jeu d'échecs ici à où on est. Moi aussi je joue aux échecs en fait. Aux échecs aussi vous Martin aussi. C'est ouais, je peux parler rapidement de ça, en fait. Oui, merci, Pat. On donne la parole. Merci beaucoup, Pat, de ta sincérité. Tu, soit que tu es bienvenu à la radio et tu peux parler ici. Ouais, de ce que tu veux, un, deux, de un, deux, toi, voilà. Plus, et là, Vincent, et après, c'est Mohamed, le poète, prophète. Vas-y, Vincent, on t'écoute. En fait, le joue aux échecs, mais le problème avec les échecs, en fait, c'est que tu dois faire plein de calculs, quoi. Je te fais les coups des tours, les coups du berger. Après, tu vas te faire. Tu vas t'emmener. Et en fait, caractère de mon mystère. C'est délicat parce que tu dois faire des calculs et des analyses sur le jeu de l'adversaire et ton jeu, en fait, c'est galère, quoi. Alors après, dès que tu joues à un jeu comme ça, dans ta vie, en fait, c'est différent dans ton psychisme, en fait. C'est là que tu fais les calculs pratiquement sur tout, quoi. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses où on peut calculer, en fait. Et les psychiatres, en fait, c'est des gens qui font des calculs pendant 30 ans sur chacun de leurs patients, en fait. C'est la vérité. Et calculent les interactions aussi. C'est vrai ou pas ce que je dis? Si, c'est vrai. Ils calculent les interactions, ils préparent ce qu'ils vont dire. Voilà, quoi. C'est relou, quoi. T'inquiète, Vincent. Qu'est-ce qu'il pose la psychiatre? Vicente, tu vas sortir ton album. On sort l'album. Pour l'instant. Voilà, et cher mon album. Boum, boum. Madaboum. Waouh, super dessin, là, Vincent. Waouh. Il est ouvert, là, les poitrines ouvertes. Alors, Mohamed, le prophète, qui va nous parler des... De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, prophète? Déjà, je vais vous dire un truc. Ça parle trop fort. En plus, ils ont tort. Quel intérêt? Maintenant, ils ont du remords. Comme les loupards, qui ressemblent des coquards. Je vais te parler d'autobus. L'Argus. Futur. 2008. Peugeot. Ça change tout. Janvier 2019. Mon père était à Jean Verdier. Ma mère, elle est morte à Bissem. J'étais hier à Bissem. Pourquoi tant de haine avec ton Henken? C'est vraiment pas la peine. Maintenant, je suis M. Martin tranquille. Ou laisse-moi 30 000. 30 000 euros. Je l'ai pris de la GLA. Cache-là, c'est plus cache-là, c'est Como. À Ville Éterne, rue Saint-Bernard, dans l'église. Il y a un franc prix. J'ai tout compris. Ouais. Est-ce que Mohamed, tu peux l'expliquer à Vincent, c'est quoi un prophète? Le prophète, c'est... Allah est grand. C'est la Bible. C'est ce qui correspond au Coran, la Bible. C'est un vrai pareil. Le prophète, c'est Dieu. Il n'y en a qu'un. C'est Allah. Oui, c'est prophète, c'est quelqu'un qui transmet une parole divine. Tu vois, une parole qui vient comme une transmission aux hommes d'un autre univers. C'est pas. Est-ce que c'est quoi un prophète, Farouk? Est-ce que tu peux expliquer? Prends un micro, s'il te plaît. Farouk, il connaît mieux que moi. Mais oui. C'est quoi un prophète pour toi, Farouk? Un prophète, c'est un messager, voilà, qui prêche une parole divine, soi-disant. Voilà. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien Mohamed, parce qu'on dit il passe du poète au prophète, de Mohamed, de remède. C'est périmé. Il fait tout ce qu'il lit, c'est un poème, je vous écris, c'est une revue de voiture Auto Plus. Ouais, et à partir de la revue Auto Plus, il part sur un... Vulgaire et le caractère de mon ministère. J'espère être clair, les traits vont en l'envers. Voilà, il parle en vers en permanence. Et donc voilà, et maintenant c'est Myriam qui va, va nous parler un peu de sa musique pendant qu'on connecte, parce qu'il va nous faire de la musique en direct. Et sur ça... Oui, il va venir, t'inquiète. Tiens, donc je te donne ça, comme ça tu peux déjà... Est-ce que tu arrives là? Tu peux connecter l'audio. Après, pour les amis qui ont mon numéro, ils peuvent appeler pour la voyance astrale des JF Océane, qui fume une cigarette, qui va arriver tout à l'heure. Myriam, et tu peux nous parler un peu de ce que tu vas nous présenter? Attends, pardon. Allô? Oui, c'est bon. Excusez-moi. Ma chanson, mon rap, elle s'appelle Ecchymose. C'est une chanson où je me livre beaucoup. C'est une chanson dont je suis vraiment contente parce que j'écris beaucoup, mais finalement je me rends compte que tout ce que je dis, La plupart du temps, c'est assez, comment dire, c'est pas assez profond, c'est juste sur la surface. Et du coup, c'est pour ça, au final, que je me dis, bon, c'est pas intéressant. En tout cas, pour moi, si je fais de la musique, c'est parce que j'ai du mal à exprimer des fois ce que je ressens, mes sentiments, comme beaucoup de gens, je pense. Et du coup, dans la musique, j'arrive à m'exprimer. Et après, ben, je suis contente, ou je, en tout cas, cette émotion, elle passe plus facilement quand j'arrive à l'exprimer musicalement. Voilà. Oui, alors comment s'appelle ta chanson, là, ton thème? Alors, ça s'appelle Ecchymose. Ecchymose. Myriam, et tu as un nom d'artiste ou c'est Myriam tout court? Non, c'est Voyelle. Voyelle. Ecchymose de Voyelle. Voilà, parce que Voyelle, c'est le féminin de voyou. Je trouvais ça marrant. Et puis j'aime bien les choses qui sont différentes. Et on va dire que les voyelles, ben, elles sont différentes des consonnes et elles sont moins présentes. Ouais. Enfin, elles sont très présentes en plus dans la langue, mais je veux dire, voilà, c'est pas les consonnes, quoi. Oui, il y a des langues où les voyelles seulement existent à l'oral, pas à l'écrit. Ah, c'est intéressant. Donc, ça. C'est qui amène de la vie au langage. Ah, c'est joli ça. Voilà. Ok, je m'en souviendrai. Ecchymose. Non, comment ça s'appelle? Ecchymose. Ecchymose. Ecchymose. Ecchymose, oui. Myriam sur Metanoia. Vas-y. Alors, ça du marche. Coup, voilà, je mets la musique. Pars, mon amour, je peux plus respirer. Pars, mon amour, tu vas suffoquer. Pars, mon amour, tu m'as trop aimé. Pars, mon amour. Pars d'amour, je dois trouver la mienne avant que je détruise la tienne, avant qu'elle ne revienne. Pars, mon amour, j'écris pour que tu comprennes. Assis par terre, je regarde couler ma peine, des kilos d'encre que j'enchaîne. Méandre qui l'enseigne entre toi et moi. C'est plus la même, plus la peine, le jeu en vaut la flemme. La flamme s'éteint, je gèle, nuit noire, chandelle, nivelle homme. Y croire à peine, je m'en mêle, le soir je me mets en scène. Voyelle, femme parfaite à tes yeux, y'a que ça qui tienne. Mes prunelles, tu veux les ken, mais elles sont frêles, elles s'effraient. Tu me touches, elles s'oppressent. Tu dis que je suis fraîche, je m'en bats les steaks. Pire qu'une viande hachée, mec, mon cœur a sexe, sexe infecte. Il détruit ma schneck, la confiance en l'être. Je me sens si sale, si sale, ni le talc, ni la telle. Que dalle, lave cette image de ma tête. Je suis vision abstraite, je veux juste un break. Je veux juste un break. Pars, mon amour, je peux plus respirer. Pars, mon amour, tu vas suffoquer. Pars, mon amour, tu m'as trop aimé. Pars, mon amour. Étouffer mon corps gisant, étouffer le sang s'écroulant, la buée s'égouttant, dégoûtant sa peau. Cauchemar vivant, porté plainte, j'ai lâché ma femme, il me dit tu vas tout gâcher. Je me détruis toujours caché, les larmes reviennent après l'acte. Je cherche à guérir, ce pacte à quérir, substance un temps intact. J'oublie le tract, baiser, sans qu'on me touche comme un mac. Le sablier se retourne jamais, assez jamais rassasié. J'avais besoin de mon père, mais il s'est barré. À 10 ans, mon demi-frère me détestait. Et toi, tu me demandes pourquoi je peux pas t'aimer. Pourquoi je veux t'embrigner. Ado, je rencontre pervers narcissiques. Je les laisse m'imprimer d'un amour sadique. Me faire griller à pic comme un oiseau jamais plié. Je m'applique, l'amour j'en ai tant rêvé. Il ne reste que des cendriers. Écoute mon amour, mon histoire est compliquée. Si tu veux partir, je comprends depuis longtemps. J'entends la porte claquer. Bravo. Allô. Bonjour. Waouh, extraordinaire, bravo. Hey, t'es pas mal, Myriam, ton super. Texte, c'était pas mal, comment tu t'appelles Voyelle. Attends, voyelle. Prends le micro. C'est comme un majuscule, en majuscule. Voyelle en majuscule. En majuscule, hein, parce que c'est fort ce que tu fais. C'est extraordinaire. C'est fort ce que tu fais toi-même au théâtre. Ah, hein. Oh, tu nous as fait marrer. Hein. Oh, elle s'en fout complètement, elle te zappe. Je sais pas comment qu'elle fait cette nana. C'est très profond, c'est très touchant. Oui, la preuve, là, des larmes. Non, en fait, j'ai mal aux yeux. En fait, je me suis dit, vous allez croire que j'ai pleuré pour la chanson, mais en fait, j'avais grave mal aux yeux et je me suis dit, je continue quand même, et du coup... Ça s'est mis à couler. Ouais, mais c'est extraordinaire ça. Et tu as plusieurs, morceaux comme ça ou c'est un seul que t'as ? Non, comme je dis, là je suis contente parce que j'ai réussi enfin vraiment à exprimer ce que je ressens dans une chanson. Ouais. Ce qui je pense est le plus important. C'est extraordinaire. C'est la première voilà, que je fais en premier en live le avec thème, vous. Le thème c'était quoi de la chanson ? Du coup, c'est cool. Le thème de la chanson c'était quoi ? L'amour, on va dire. Oui, l'amour. L'amour, basement. Je crois que c'est pas mal. Je crois que tu exprimes bien ton désir. Bon. Ouais, non, mais c'est bien. Et ça sert bien. Tu amènes de plus en plus des chansons comme ça. Ouais, bah, mon souhait, comme on disait à Loïc tout à l'heure, qu'on va monter un petit studio son. Là, on a de nouveaux matériels qui arrivent pendant l'été. Super. Et l'idée, c'est de faire des disques que la radio Métanoïa produise des albums, des choses. Tu veux parler, Loïc ? Vas-y. Ouais, c'est cool. Loïc aussi, justement, c'est un artiste. Et mais il y a plein d'artistes autour de moi. Je ne suis pas un artiste. Okay. Mais oui, arrête, tu n'es pas l'artiste. Loïc est quelqu'un de très humble. Les artistes, ils disent qu'ils ne sont pas des artistes. C'est quelqu'un de très humble, Loïc. Et l'autre jour, quelqu'un me disait l'artiste, l'artriste. Voilà, mais non, c'est magnifique. Ce que tu fais, ça touche, ça émoue. Qu'est-ce que vous pensez, les autres ? Farouk, tu as aimé ? Pas. Pas trop, ça si. Triste un peu. Hein. Triste ? Moi, je n'ai pas trouvé triste, si. Pat, tu penses quoi ? Attends, prenez le micro, là. La chanson ? Oui. La chanson, elle est mélodieuse, elle est triste aussi. Un peu triste, Myriam ? Hein ? C'est un peu triste, la chanson ? Oui, mais C'est pas dans l'amour perdu, comme ça, non ? En fait, ça parle de mon incapacité, des fois, à aimer bien quelqu'un parce que j'ai beaucoup souffert. Ça se voit. Mais on souffre tous un peu. Hein. Oui, on souffre tous. Hein. Je ne dis pas que je suis exceptionnelle. De chaleur humaine, d'amour. Mais chaque, en fait, c'est ce qui est intéressant dans l'amour, que chaque souffrance, c'est singulière. Mm. On pense qu'on vit un truc tellement singulier, unique, mais finalement, on se rend compte qu'on a tous un peu souffert. On est vivant, quoi. On n'est pas des machines. On vit. Pas, on n'aurait pas cette faiblesse. Je pense qu'on n'aurait pas cette faiblesse, on serait des robots, et puis c'est pas intéressant en tant qu'être humain. Si on était tous pareils, on n'a rien à se dire, on se taperait dessus, je pense. Mais moi, je dirais même que c'est pas une faiblesse, hein, l'amour. Non, non, moi je peux te dire, j'ai aimé quelqu'un fortement, mais quand c'est négatif, il faut bien ça. Oui, quand c'est toxique, quoi. Personnellement, quand ça te prend le cœur, t'es pas capable de gérer mentalement. Donc, c'est difficile de gérer tes sentiments. Quand tes sentiments sont pris, la personne, si elle est négative, elle peut te mettre par terre. Donc, il faut être bien plus balèze que la personne et penser à ta tête, que ta tête est bien solide. Le cœur, tu le laisses passer parce que ça peut faire mal, mais il faut passer là-dessus parce que tu sais que tu peux couler par rapport à cette personne. Bah, je pense que pour aimer bien quelqu'un, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Oui, c'est vrai. À se faire confiance pour faire confiance, oui, à l'autre aussi. Oui. C'est moi qui change de volume. Je pense que c'est pour ça qu'on se fait souvent mais du mal. Il y a des cas particuliers. J'ai vu un cas particulier dernièrement qui est vachement balèze parce que, en plus, le cul intellectuel était terrible, intelligence pas terrible, jeune, ne se connaissant pas soi-même. Parce que même en étant chef patron d'entreprise, même si la boîte a coulé, je comprends qu'elle a la boîte à couler parce que le mec est dans tous les sens, il bouffe tout le monde. Donc c'est vrai qu'il te donne beaucoup de chaleur humaine, mais entre partout, c'est lui on, comme si on doit tout. Non, on ne doit rien, à personne dans la vie. Ouais. Faut savoir se connaître soi-même, puis aller chercher les outils qu'il faut pour se construire. Sinon, s'il joue aux échecs et maths avec, à chaque coup avec toi, c'est que c'est un mec négatif, c'est une personne négative. De toute façon, quand on s'aime soi-même, on s'éloigne naturellement des gens négatifs. Et je dirais même aussi, après, moi, c'est mon ressenti. Je pense qu'on est tous connectés à une certaine énergie. Et qui fait que quand on vibre plutôt haut, c'est-à-dire quand on est dans des énergies hautes, quand on est bien avec soi-même, etc., on attire des gens qui sont bien. Et quand on est dans des énergies basses, on attire des gens toxiques. Et je pense que ça va avec aussi. Et je voulais ajouter... Mais c'est inconscient. Monsieur, vas-y, Farouk. Attends, Farouk veut parler, pardon. La chanson, elle s'adresse à quelqu'un, c'est ça ? Ouais. Mais du coup, tu dis que tu l'aimes pas, mais tu lui dédies une musique ? Enfin... Non, elle s'adresse à mon copain et je lui dis pas qu'il aime pas. En fait, c'était pour qu'il comprenne pourquoi des fois je peux être bizarre ou je peux ne pas lui faire confiance. Ou je pense qu'on a tous un passif qui fait que des fois on a des mécanismes d'anciennes relations ou d'anciennes souffrances qui vont se remettre dans une nouvelle relation. Ouais, par rapport aux parents ou un truc comme ça. Fin... Ouais, voilà, tout ce que j'ai vécu. Je vois. Ouais. Et monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit ? Micro. Il n'était pas là. Ah, moi, je viens d'arriver, je suis hors sujet. Atterrissé. On parle d'amour. Je ne sais pas si vous voulez nous dire quelque chose sur l'amour en tant que psychiatre. L'amour, mais là, c'est un sujet chaud. Vous me prenez à froid. Tout à l'heure. C'est vrai que. Ouais, d'accord. Bonne réponse quand même. Mais, attends, ouais, c'est plein à froid. À l'amour, il faut être chaud. Hein. À l'amour, je pense qu'il faut... C'est pas... Je pense qu'en amour, il faut de la sincérité, il faut quelque chose de sincère, il faut quelque chose de sincère, il faut quelque chose de... Il faut une âme, un cœur, je pense. De la complicité aussi. Beaucoup de complicité. De complicité aussi, comme tu dis, ouais. Si t'as pas de complicité... Complicité aussi, ouais. Mais des fois, on a du mal à trouver, parce que des fois... On cherche trop à savoir, on veut trop vouloir et on ne trouve pas. Et des fois, on ne cherche pas et on trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Souvent comme ça. C'est vrai, ouais. C'est marrant. Moi, en tout cas, quand je veux quelque chose, je l'ai. Puis après, quand j'ai bien analysé la personne, si elle est positive, je reste. Si elle est négative, je vire. Ça vire. J'ai pas le temps à perdre. Punaise, j'ai 63 ans, j'ai plein de trucs à apprendre encore. Oh non, oui. Bah oui, t'as encore la vie devant toi. Hein. Oui, mais j'ai un chien du bâton. Quand est-ce que la... Oui, alors, on va mettre une petite peu de musique. DJ JF Ocean va nous mettre... Qu'est-ce que tu vas nous mettre aujourd'hui? C'est quoi comme vinyle, là? Parce qu'on a récupéré le vinyle, qui a résisté quand même à 3 impacts. Si, c'est ouvert, ça va? C'est cassé, non. On est cassé. Non, attends, c'est pas allumé, il faut les brancher. Attends, c'est moi, je vais le faire. Voilà, on a réparé le vinyle, donc tu peux y aller. Tu peux dire quel est le nom du morceau qu'on va écouter. Super Parade. Ici, JF Ocean. Imagine. 82, 80. Allez, wouh! Yeah. It's just an illusion. bonjour Marlène. Ouais, notre tête d'accueil, Marlène. Bonjour Marlène. Cette musique. Super musique là. DJ JF aussi, on reprend la les manettes. Là, il y a Farouk qui va nous montrer une autre musique aussi. Oui. Mais pendant que ça se connecte, parce qu'il faut que tu as un câble. Oui, là, on a deux câbles. Soit tu prends. Attends. Tu me places. Oui, celui-là. Tu t'es passé par là. Non, mais reste là. Reste là comme ça, tu fais le. Déjà, bienvenue là, Radio Metanoia. Il est 17h37, 6 juillet 2022. On est content, on est heureux. Voilà. Micro. Pat, micro. On parlait au micro parce que comme ça, les gens s'entendent. Oui, d'accord. Voilà. Farouk, on t'écoute. On t'entend. Tu peux le présenter quand même, le morceau. Je ne sais pas si c'est bien branché. Oh là là, Radio Metanoia. Oui, c'est bon, vas-y. C'est moi qui l'avais pas. Voilà, vas-y, tu peux le mettre. Mais tu peux parler d'abord pour présenter. C'est juste un son de rap de Shuriken. Oui. Un rappeur de Marseille qui fait partie du groupe I Am. Wow. Et le titre s'intitule Samouraï. C'est connu. Et voilà. Voilà, merci Farouk. Merci pour Farouk qui va me chanter. L'intro, elle est un peu longue. À me regarder. Qui, moi, toujours vif,

basic bitch who wears that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. I'm looking like Madonna, but I'm flossing like Ivana. Trump, you know I keep the work in my trunk. Gonna hand on a pump. If you wanna press your luck, I'm young, pretty, nasty. Tell my 2020, be young, wish a flashy. I'll be where the cash be. You can find that I think you need a Google map. My purse and you keep the cavalier who puts you know the bag. Groupie follow me like Twitter. I'm wearing an up and a shitting and your letter. While you're looking better, I'll be looking better. The type of bitch will make you rich and you ain't never matter. The editor, the director, plus I'm my own boss. Near peace with the fist with the focal gloss. Which means nobody getting over me. I got a swag and it's pumping on my ovaries. Belle chanson, c'est beau rime, c'est bravo. Ce beau savoir qu'elle a, cette jeune femme. Voyelle, passer, astro... son nom c'est Voyelle. Voyelle en majuscule. Je vais vous signaler qu'on va tomber sur le thème astral que je vais vous faire. Thème astral. Alors, vous pouvez m'appeler nous appeler au 06 58 49 01 01 et vous. Ça allait consulter la voyance astrale de J.F. Ossian. Voilà, donc pour l'instant, on vous donne 2 minutes, sinon on commence. Parce que, voilà, après on aura un numéro fixe à la radio, mais pour l'instant, voyez. On vous donne bien. Voyance astrale, on va... Vous faites vos thèmes astrales oui, avec plaisir. Bon, les 5 chiffres de la 22. Pas les mêmes. Écoutez, vous voyez. Oui. 5 chiffres de la 22, pas les mêmes. 56. Non, de 1 à 22. Ah, ok. 4. 15. Ouais. 3. Ouais. 22. Encore un dernier. 7. Bon, vous aurez toujours un peu d'argent dans le thème. Vous aurez toujours un peu d'argent. Ça tournera toujours. D'accord. Vous avez un homme qui est un empereur. Une place assise. Empereur. Il est assis dans la vie. Oui, il est assis dans d'accord, la vie. D'accord, donc c'est un empereur. D'accord. Si, il est représenté comme un empereur. Vous avez beaucoup de volonté envers lui. Oui. 3, vous êtes assez impératrice. C'est vous qui tenez reine avec lui bon, enfin, en vrai, c'est assez équilibré, mais oui, bah, on va dire que oui, quand même. Et avec lui, vous arrivez à gérer de l'argent, quand même, un peu d'argent. Ouais, je lui ai appris comment faire de l'argent. Voilà, bon, bah, je vois bien. Sexuellement, c'est normal. Il y a des soucis. Oui, il y a des soucis à la nuit. Il y a des soucis comment ? Il y a des soucis à la nuit pour physiquement. Ah. Pas à la nuit, quand on dort, il y a des soucis. C'est à la nuit pour l'instant, le sexe, c'est à la nuit. Ouais, c'est vrai. Bon. Vous êtes très fort, hein. 22. Je crois pas trop à ce genre de truc, mais là, je me pose des questions, là. Oui, mais là, tout le monde peut le dire. 15. Micro. Non, je suis pas d'accord. Il a vraiment dit des trucs qu'on peut pas dire. Attends, Vincent, prends un micro parce qu'on t'entend pas. Allez, faudrait que tu lui fasses son thème astral aussi pour qu'il soit. Il a dit un truc que tout le monde peut dire. Vincent, prends le micro. Hey, fais gaffe, 300% était drôle, mec. Hein. Attention. Mais le reste, le quatrième 100%. Prends le micro. Et non, l'autre micro là. T'as le micro là-bas. Était drôle. C'est la preuve. C'est la preuve que tu dis n'importe quoi, 300% hétéro, c'est vrai. Ah bah tu me répètes ça tout le temps, 300% hétéro. C'est toi qui pose la question là. Non, tu m'as dit 300% hétéro, mais ouais, t'as bien 100% de... Toi tu dis rien, complètement hein. Toi tu dis que c'est faux, mais c'est vrai. Oui, c'est la vérité, tout le monde. Oui. Bon bref, passons. Bon, vous repartez vers cet homme de toute façon. Vous repartez vers cet homme, bon, avec vos petits ballons, même à zéro, vous repartez. Vous êtes juste avec lui, très juste. Comment ? Vous êtes très juste avec lui. Ouais. Ah oui. Dites donc, quand ben, par contre, je vois sexuellement, personnellement, Il y a l'argent, il y a vraiment quand vous serez épanoui, je suppose que quand vous serez épanoui, vous êtes épanoui déjà, ou il y a eu un arrêt, mais que ça repartira mentalement beaucoup plus vite et l'argent viendra avec. C'est-à-dire un équilibre qui se fera. D'accord, je retiens ça. Pas avant. Sinon, au niveau travail... Non, c'est pas sorti. Il vous pose la question. Mais c'est pas sorti encore. C'est pas encore ce qui sorti. Prime dans votre tête. C'est pas ce qui... C'est l'équipe bien avec quelqu'un qui vous prime d'abord. Avant le travail. Ouais, c'est vrai. Peut-être que le travail, c'est après. C'est, je crois que le travail vient après. Je crois que les sentiments sont partis, sont là. Puis, le travail, on y pense moins. On vit un peu d'amour et d'eau fraîche. Non, dans votre place assise, il y a l'argent. Je ne sais pas comment vous faites l'argent. Vous êtes fine. Ça me fait, vous êtes très fine. Il y a la force quand même pour avoir de l'argent, pour que ça tourne, pour vous repartir. Vous avez la force. Bon, pour ce moment... une certaine sagesse aussi. Ah, on dirait vous faites pas des prières pour l'argent, vous priez pas pour... Non, mais tous les deux on a le même point de vue spirituel. Ah voilà, parce que je vois quelque chose d'occulte. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est sorti. D'accord. Mais en fait, c'est hallucinant parce que c'est ce qui nous a liés au début même. Oui, bah moi je sais, j'ai eu un même problème. Là, c'est le total, je vais vous dire si c'est positif ou négatif. Ah. Ça peut pas être négatif, enfin, il y a des trucs qui sont... En tout cas, c'est sympa la petite musique, j'adore. Oh, c'est la sagesse, c'est vous que vous recherchez, la sagesse, la paix. Je crois qu'il faut pas trop vous faire chier, hein. Je crois que vous aimez bien être cool, hein, la bonne vie, mais faut pas vous embêter trop. Hein. C'est ça. Hein. Je me suis trompé. Ouais, non, franchement, hallucinant. Hallucinant, vraiment. Une question à poser sur quelqu'un, sur une personne autre que votre. Une personne qui est mal, une personne de votre entourage que vous connaissez mal, vous voulez cerner. Ouais, je veux bien, ouais. Mais c'est signe astrologique. Qui, moi ? Oui. Balance. Artistique. Et ascendant ? Sagittaire. Ah, on arrive toujours les Sagittaires arrivent toujours à ce qu'ils veulent. Donc pas de problème. Bah mon copain en plus il est Sagittaire ascendant Balance. Ah bah voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Si il y a des problèmes, c'est vraiment vous voulez chercher tous les deux. Pas vrai ? C'est ça ? C'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Vous pensez à une personne, je ne sais pas laquelle, qu'elle soit jeune. Ok, je pense à quelqu'un, ouais. À quelqu'un, vous pensez fortement, okay. Vous pensez à n'importe quoi, et puis vous donnez 5 chiffres de 1 à 22. La question est laquelle ? La question est... est-ce que cette personne est vraie ? Oui. Bon, donnez-moi 5 chiffres. 2 ? 7, 7, 18, 17, 5. Bon, en elle, elle paraît sage, comme ça. En elle, elle paraît nette. Bon, il y a la monnaie, mais il y a une papesse à côté. Elle a un enfant ? Non. Non. Donc, elle est papesse en elle-même. C'est... C'est une papesse, donc... 17, à la bonne étoile. Je suis impressionné, là. Elle a toujours la bonne étoile, c'est bizarre. Elle a une très bonne étoile derrière elle. Moi aussi, je suis impressionné. 18, par contre, Zut, vraiment, elle a tout contre elle. Elle a tout pour ? Elle a tout contre elle. Tout le contraire de la bonne étoile ? Il y a beaucoup de pourparlers sur elle, mais négativement. Elle est à la nuit, cette personne. L'argent pourrit les gens. J'en ai le sentiment. Le gouvernement a baissé leur propre question d'argent avec une baisse réversible, suivant le temps, apparemment l'armement, pas seulement avant, la condition de vie de chacun. Le monde est plein de bombes qui causeront nos tombes. Maintenant, tu sais à quoi sert le fric, qui a lui seul pour stopper la famine en Afrique. Voilà, une petite, un petit entracte poétique. Bon, finalement, elle est très négative. Ah oui ? Pourquoi ? Elle, à la nuit, cette personne n'est pas, elle est pas positive par rapport à vous. Ça veut dire quoi, la nuit ? Et on ne doit parler pas de bien d'elle, je pense. Pas si tant que ça. Elle, c'est qui, elle ? C'est cette personne qui... L'autre personne qui est avec l'ami, c'est ça ? Non, c'est une personne, il m'a demandé de choisir une personne que j'ai en tête et quelles questions j'avais à savoir par rapport à elle. Ouais, non, mais ça allait bien, mais là, c'est une troisième personne qui vous parlait là. Non, ouais, c'est ça. C'est une autre personne. C'est... Ouais. Non, je pense pas. Elle a admis cette personne. Finalement, elle est très négative. Moi, je pense qu'elle est par rapport à vous. Oui, négative. Mais est-ce qu'elle est vraie ou fausse ? Alors, elle repart vers une sagesse, 18 à la nuit 5. Mais c'est une nana qui... Enfin, la personne que vous pensez, elle paraît stable. Elle paraît stable. En vérité, je crois qu'il y a des accotos, ça doit pas être clair derrière. Enfin, personnellement, c'est pas clair. D'accord. On peut pas prendre confiance en une personne comme ça... directement, je sais pas, vous la connaissez depuis longtemps ? Depuis quelques mois, ouais. Combien ? Depuis février, mars, avril, mai, juin, depuis 5 mois ? Non, vous la connaissez pas. Ouais. Vous vivez tout le temps avec, ses habitudes, son comportement. Non. Donc, non. Pour moi, elle est pas nette. Mais ça veut dire quoi ? Elle est à la nuit ? Ça veut dire quoi ? Les loups à la nuit, c'est-à-dire il y a beaucoup de papes pour parler sur elle, il y a beaucoup de, ah, d'accord, de jalousie, il y a beaucoup de choses. Donc peut-être elle doit avoir un truc en elle qui ne va pas. D'accord. Mais ça, vous ne dites pas. D'accord. Regardez-la comme si rien n'était. Qu'est-ce que c'était quoi ça ? Elle est pendue. Bon, elle est pendue au fric quand même. Aime bien le fric. Ouais, c'est vrai que c'est son... C'est son dada, le fric. C'est son ambition, ouais. Oui, c'est ça. C'est bien ça, ça sort bien. Mais bon, elle est très motivée. Hein. Bon, on va... Elle est très motivée. Est-ce qu'on peut... On peut une dernière... On va raccourcir parce qu'il y a Siol qui va montrer mon sang avant de finir. Ah oui, bah c'est bon. Voilà. J'arrête là. Ah. Pierre, tu me le diras en privé. Oh, d'accord. Au final. Voilà. Allez, salut. Vous saurez pas la voyelle. Suite. En majuscule. Oui, merci beaucoup Jean-François Ossiane et son oracle oraculaire, stellaire, qu'il va très loin, on ne sait jamais où ça s'arrête, ça commence. Et là, Siol, est-ce qu'on voulait que tu montres un petit morceau ? Siol, notre compositeur préféré, il allait partir, on l'a chopé là avant qu'il quitte la salle. Et est-ce qu'il va nous montrer pour fermer l'émission de Radio Métanoïaque ? Voilà, donc tu pourrais nous dire quelque chose, Siol ? Ça te présenter ton morceau. Alors, mon morceau s'appelle Love is the Key. C'est de Lo-Fi. C'est un genre que j'ai expérimenté et que je trouve que c'est ce qui me va le plus actuellement. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Et voilà. Thank you. Radio Métanoïa, à la radio qui transforme dans le temps. À mercredi prochain, espérant que vous serez là tous, auditeurs, parmi nous, à cette radio, qui est une radio quand même faite pour les patients de Villevrard, avec notre ami Martin Siol. Voyelle, en majuscule, Pat, Vincent, Farouk, Marielle, psychiatre, et Jean-François Ossiane.